dites, vous connaissiez le défunt ? Non. Bah, qu'est-ce que vous faites là, alors ? Bah, moi, je vis dans la rue, donc... J'ai vu de la lumière, je suis rentré. Et bon, la musique, elle est sympathique. Et quand vous dites, vous vivez dans la rue... Vous vivez dans la rue... dans la rue ? Bah, oui. Disons que je vis dans un carton, si vous préférez. Chut. C'est pas vrai, hein. Marquez, c'est vrai que la musique... C'est de la belle musique, hein. Et vous, vous connaissez le défunt ? Oui. C'est une petite NES que j'ai très peu connue, mais... C'est tout le respect que vous lui portez. Je ne comprends pas. Vous pourriez la fermer et écouter. Ah bah d'accord, alors... Vous vous prenez pas pour de la merde, vous ? Non, je suis une merde. Chaque fois que vous passez devant moi, vous ne me regardez même pas. Et là, vous me faites chier, alors vous me parlez. Oh d'accord, bah, je vais vous laisser tranquille, alors. Excusez-moi de vous avoir dérangé, monsieur. Chut. Oh, toi ta gueule, mamie. Tiens, petit con, c'est un problème, manquer de respect.